من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. Donc là on est dans le troisième de la loi de l'islam de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab qui dit celui qui ne rend pas mécréant les associateurs ou qui doute dans leur mécréance ou qui rendent authentique leur voix ou qui voient que leur voix est juste, فهذا كفر يعني الذي يعتقد هذا فقد كفر وهذا مسألة هل هذا إجماع أهل العلم على ذلك؟ Est-ce que l'unanimité des savants ils sont d'accord avec Cheikh Al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab هنا؟ نعم كما نادي في الدين واقف كما هو عليها الاجماع في الدين واقف qui sont cités dans ce livre ils sont tous reconnus selon l'unanimité des savants. نعم سوف ربما في مسألة السحر فإن من أهل العلم من قسم السحر إلى نوعين يعني ما يعتبر كفرا أكبر وما يعتبر كفرا دون كفر. نعم وقبل هذا نذكر لكم فائدة أتى بها أخونا عيسى أبو السديق أمس وهو في مسألة شرب فضل الوضوء. Avant de rentrer dans le cours, on évoque une faïda que nous a rapporté notre frère Issa sur le fait que il est permis de boire le reste de nos ablutions. نعم. فلعلكم سمعتموه لما حضر الدرس. وسألني عن ذلك قلنا له عليك أن تأتي بالدليل فأتى بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه توضأ وشرب من فضل وضوئه قائم فاستنكر من كان حوله فقال قد رأيت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال والحديث هذا صحيح c'est un hadith صحيح de Ali ibn Abi Talib qui a fait ses ablutions et qui avec le reste de l'eau de ses ablutions s'est levé puis a bu cette eau et lorsque les gens qui étaient autour de lui se sont étonnés de cela Il a dit, j'ai certes vu le prophète sallam faire cela, accomplir cela. Et c'est un hadith qui est authentique. Ça a authentifié un bon nombre de savants, et parmi eux, l'imam Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i. Et il l'a mis dans son livre, Sahih al-Jami', Al-Jami' al-Sahih. Al-Jami' al-Sahih. Après. Et il a intitulé en guise de chapitre, chapitre, le fait de boire le reste de ses ablutions. نعم. هذه فائدة. نعم. وكذلك من باب يعني الشفاعة والذكر يعني قد طلبنا من الإخوة أن نتعاون مع الشيخ أبي حاتم الجزائري فهو كما يعرف الكثير منكم يعني بدأت قضايا في الجزائر عليه وعلى كثير من الطلبة الذين كانوا في دار الحديث دمام فالآن أصبحوا متهمين بتهمات كثيرة وعظيمة، وأشد ما اتهموا أنهم من جماعة إرهابية. نعم. Donc Cheikh Abu Hatim et d'autres, ils sont à peu près une vingtaine de frères à comparaître, soit cette semaine, soit les jours à venir, devant la justice, pour des accusations qui sont plus ou moins graves. Et la plus grave de ces accusations, c'est qu'ils sont accusés de terrorisme. بالفراز والذي يستطيع التعاون بأكثر من ذلك فأجره إلى الله عز وجل. وقال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس كربة عن مسلم نفس الله عنه كربة يوم القيامة. celui qui dissipe un souci d'un musulman ou d'un croyant, Allah dissipera un de ses soucis يوم القيامة. وفي نفس الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الله aide son serviteur du moment que son serviteur aide son frère. نعم. وصراحة هذه القضايا تدل على ثبت هذا الأخ وهذا الشيخ وجماعته. فإن الله سبحانه وتعالى إذا رأى من عباده خيرا وتمكينا وثباتا يبتليهم ليرفع قدرهم. أليس النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثال فالأمثال. Les plus grands en épreuves sont les prophètes et ensuite ceux qui s'apparentent à eux. بالتميز. الإنسان عليه أن يتميز من جميع الفرق الضالة ويثبت على منهجه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف. الخليفه السلمي دي la personne suivra la religion de son ami intime. Alors observez qui vous fréquentez. Les gens de la sunna se doivent de se différencier des gens de l'innovation et des gens de l'égarement. فالآن هذا الشيخ يعني fait partie des gens qui se différencient le plus ou qui s'éloignent le plus de ces sectes qu'ils appellent le terrorisme quoi. ومع هذا كل اتهموا. Et malgré tout, ils essayent de lui coller يعني ces fausses accusations sur le dos. نعم. فما بال إذا ما تنتبه أنت وتصاحب واحد عنده أفكار يعني بعيدة. أو كما بلغني عن أخ تزوج بامرأة وعندها تكفير. يعني un frère il s'est marié avec une sœur et cette sœur là elle a des afkar, des mauvaises pensées sur les hukam, sur les dirigeants musulmans. مثلا يقول لي نزلوا قبل أسبوعين أو شهر إلى المغرب العربي وإذا بهذه تكفر الحكام وتقول الملك كافر إلى آخره. فنحن نصحنا الأخ قلنا يا أخي حتى وإن كان الموضوع زوجة لابد أن تختار امرأة صالحة سلفية إذا تستطيع، إيش تذهب وما تنظر. المهم كل هذا مجرد ذكر على أن الإنسان يتميز ويبقى مع إخوانه أهل السنة ويجتنب الفرق الضالة. نعم طيب، رجعنا إلى هذا الناقد. من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر، قلنا هذا الإجماع على ذلك، والدليل عليه قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وكذلك حديث طارق ابن أشيم رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا يعني أقوى الأحاديث في هذا الباب، حديث طارق ابن أشيم في partie des plus grandes preuves sur ce naqid. C'est-à-dire que celui qui ne rend pas mécréant les associateurs ou qui doute sur leur mécréant. Pourquoi ? Parce que dans le hadith, il dit « Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah » et il rend mécréant tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Ou il mécréant tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Cette personne-là, si elle fait ça, son sang devient sacré ainsi que ses biens. فمفهوم هذا الحديث إذا قال لا إله إلا الله ولم يكفر المشركين دمه وماله ليس بحرام فيستحق ما زال القتل وما قد دخل في الإسلام حقيقة ممثل لا إله إلا الله من غنقوم إكسيون للمشركين ويدوت sur leur shirk où ils pensent que leur voie est juste فهذا ليس بمسلم فهذا ليس بمسلم. نعم لا بد من تكفيرهم وكفر من يفعل مثل ما يفعلون. نعم وهذا الناقد يثمر ماذا؟ الولاء والبراء، والولاء والبراء من ديننا. نعم فغلطوا الإخوان المسلمين وكثير ممن ينضم إليهم لما قالوا التقرب بين الأديان، يعني الإخوان المسلمين ils sont tombés dans cette affaire lorsque ils ont commencé à prêcher ou à appeler au rapprochement entre les religions. وهذا قول باطل مردود. الله سبحانه وتعالى قد كفرهم وقال إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Et celui qui recherche une autre religion que l'islam, ça ne sera jamais accepté de lui. فايش تقارب بين هذا وهذا؟ نعم. Comment tu veux rapprocher entre هذا وهذا؟ كأنك تريد أن تجمع بين الشمس وال بين الماء والنار متناقضة. يعني ça peut pas se regrouper. Ces deux religions ne peuvent pas se regrouper avec l'islam. أبدا. نعم. طيب قال قال الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. فالإمام محمد بن عبد الوهاب ابتلي. الآن نحن نقرأ كتبه على أنه شيخ وعلى أنه نجم، على أنه عالم من علماء أهل السنة، لكن لما كان يدرس وفي حياته ما كان بذلك، ما كان بذلك المستوى عند الناس، بل ابتلي ويعني سجن وضرب ويعني قاتلهم يعني كثير من الناس، من أعداء، من الأعداء، من الصوفية وغيرهم. Beaucoup de gens l'ont pris en inimitié, Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il s'est fait chasser de sa ville natale. Il a subi beaucoup d'injustices. Wahhab, c'est des sunnan d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se répètent. Celui qui veut apprendre à connaître le futur, celui qui veut voir le futur plutôt, qu'il regarde le monde, qu'il observe le passé. فَإِنَّهَا سُنَنْ كما قال الله سبحانه وتعالى سُنَّةُ اللَّهِ الَّتِي لَتَتَبَدَّلْ. Ce sont les traditions d'Allah qui ne changeront pas. البر إلى الخير والهدى والفاجر إلى الشر والضلال. Ça va pas changer. Celui qui fait du bien, Allah il va le mettre sur le droit chemin. Et il va lui donner le khair الذي يحصل عليه في الدنيا والآخرة. Et celui qui fait du mal, نفس الكلام. Il aura le mal في هذه الدنيا وفي الآخرة. نعم. Tout ça c'est des sunnas d'Allah qui ne changeront pas. Comme le fait que le mazloum il sera secouru ولو بعد حين. Et comme le fait que celui qui fait de l'injustice, il sera يعني châtié ولو بعد حين. إلا إذا رحمه الله. Sauf si Allah subhanahu wa ta'ala lui fait une miséricorde et il se repent avant que le châtiment lui vienne. Non. فكل هذه سنن من سنن الله. Que celui qui vient et l'appelle à la religion safi, il soit éprouvé. من قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu avec ce dont tu es venu sans qu'il fût chassé. من يا هارون؟ هراق؟ صاحب القراءات. ايوه نعم، ورقة ابن نوفل عم خديجة، فهو الذي قال هذا الكلام، فنحن نشاهدها برأي العين. طيب قال تفضل. وهذا من أعظم، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب معلقا على هذا الحديث، وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للمال والدم. Et ceci, ce hadith là, il fait partie de ce qui explique le plus le sens de la ilaha illallah. Car certes, dans ce hadith, il n'a pas fait de la simple prononciation la ilaha illallah une chose qui protège le sang et les biens. بل ولا معرفة معناها مع لفظها. Et même le fait de connaître son sens avec la prononciation. بل ولا الإقرار بذلك. Et même le fait aussi de reconnaître يعني la valeur de cette parole. بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده. Et même si cette personne là elle n'invoque autre qu'Allah Azza wa Jal, elle ne sera pas véritablement musulmane حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. Jusqu'à ce qu'elle mécroit en ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. فهناك شخص يأتي ويقول لك أنا أقول لا إله إلا الله وماذا أعرف معناها وكذلك ماذا أتلفظ بها وأعرف معناها ولا أدعو غير الله ولكن ما أكفر اليهود والنصارى والمشركين والمجوس وغير ذلك ما أكفرهم فهذا مسلم؟ هذا مسلم يا محمد؟ Celui, par exemple, c'est une personne, elle vient, elle dit, moi je crois en Allah Azza wa Jal, je dis la ilaha illallah, je connais le sens de la ilaha illallah, et je n'invoque personne en dehors d'Allah Azza wa Jal. Mais, je ne rends pas mécréants les juifs ni les chrétiens. Ou bien je doute sur leur mécréance. Ou bien je vois que leur voix aussi, elle est juste. Il y a du... هذا كفر نمشي ندور الله عز وجل ليلا ونهارا هذا سي فو فريمون فو كومبريني لا غاندور دو سيت افير باسكو بوكو دو مسلمين سور سيت افير ils ont pas compris يعني يظنون ان هؤلاء على شيء من الثواب على شيء من الحق لا الحق كله فيما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام نعم طيب وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب donc on est toujours dans les paroles de محمد بن عبد الوهاب قال مما يوجب الجهاد لمن اتصف به عدم تكفير المشركين او الشك في كفرهم فان ذلك من نواقض الاسلام ومبطلاته فمن اتصف به فقد كفر وحل دمه وماله ووجب قتاله حتى يكفر المشركين ودليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه donc c'est des paroles fortes là de cet imam Mohammed ibn Abdul Wahhab qui dit que la personne du moment qu'elle n'est pas elle ne rend pas mécréant les associateurs ou elle doute dans leur mécréance ceci fait partie des annulations de l'islam. Ceci fait partie des annulations de l'islam. Naam. Et que celui qui a cette caractéristique, il doit être qualifié comme étant Mahada. Comme étant quoi, Mohamed? Mekhir. Naam. Thumma qala, alaqa ismat al-mal wa dam bi amri. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a lié la protection dans le sang et dans les biens par deux choses. Dans le hadith qu'on a vu. C'est quoi ces deux choses? Il me croit en ce qui est adoré en dehors d'Allah. Il me croit en ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et? Et il atteste de l'unicité. Non. فالأمر الأول قول لا إله إلا الله. والثاني كفر بما يعبد من دون الله. فلا يعصم دم العبد وماله حتى يأتي بهذين الأمرين. Donc il est obligé de venir avec ces deux conditions, ces deux choses, afin que son sang et que ses biens soient préservés. Non. Et afin aussi qu'on puisse dire que Fi'lan, c'est un musulman. Al-awwal qawluhu la ilaha illallah, wal-murad minha, wal-murad ma'naha, la mujarrad lafdhiha. Donc, c'est quand on dit le fait qu'ils disent la ilaha illallah, c'est le fait qu'ils le disent, mais en comprenant son sens. Wa ma'naha huwa tawhidullah bi jami'i anwa'i al-ibadah. Et son sens n'est autre que l'unicité d'Allah dans la totalité des actes d'adoration. Wa al-amr al-thani al-kufr bima yu'badu min dunillahi wal muradu bidhalika takfir al-mushrikin. Et donc, la deuxième affaire, c'est qu'il rende ou qu'il mécroit en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire ça, le fait de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah? Qala al-murad bidhalika takfir al-mushrikin. Le but visé de cela, c'est le fait de rendre mécréants les mushrikis wal-bara'atu minhum, et le fait de se désavouer d'eux. Wa mimma ya'buduna ma'a Allah. Et aussi de ces choses qu'ils adorent en dehors d'Allah. فَنَحْنُ نَذْكُرْ نُقْطَ وَاحِدَ في هذه الناقض حتى تفهمون أن المسلمين بعيدون كل البعد الآن يعني لو تنظر إلى التلفاز والمباراة les matchs de foot. Hein? Honak, les joueurs de foot, ils sont devenus, sont devenus ce qu'on appelle des stars. Des stars, des personnes qui sont adorées. Que tu le veuilles ou non. فأنت لما تنظر إلى ذلك وترضى بهذه الأشياء فتخل بهذا الشيء أو bien les chanteurs, les rappeurs. نعم. كم من الناس ils sont dans l'islam, ils écoutent la musique. Ou du moins, أقل شيء Ils ne rendent pas, ils ne voient pas l'énormité de cette chose. C'est-à-dire le fait de se désavouer de toute personne qui adorait en dehors d'Allah. Désavouer de... Yani, c'est du moment qu'elle est adorée en dehors d'Allah Azzawajal, et qu'elle agrée cela. Et qu'elle agrée cela, tu te dois te désavouer de... وَهَذِي الْأَشْيَا مُتَعَلِّقْ بِالْقُلُوبِ Et c'est des choses qui sont propres au cœur. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. La personne elle va se retrouver avec celle qu'il aura aimé. متى يوم القيامة. يا إخوة هذه الأحاديث جدير بالعناية. Ça c'est des hadiths qu'il faut prendre en considération. أنت قد هاجرت في سبيل الله مثلا. خرجت من هذا البلد الخبيثة إلى بلاد الإسلام. وجلست وتعبت وذقت الفقر وكذا وكذا. لكن ما زال في قلبك محبة. لبعض المفتونين إما مغنيين أو إما لاعب القرى أو إما يعني غير ذلك. جمهم فأنت في فرق لا هجرة مثلا تسخطي تتير تبارتي في الانتر الإسلام عرف تتير فاتيقي في الانتر الإسلام تفاسيونتي إلى آخره mais dans ton cœur il y a toujours une forme d'amour pour des gens qui sont dans un dilemme que ce soit des rappeurs que ce soit des joueurs de foot, que ce soit des chanteurs, et Yiji. Du moment que tu sais que c'est des gens qui ont été pris en adoration. Maintenant, ils aiment bien dire sur un chanteur, ah, oh, là, je l'adore. Ou un joueur de foot, ah, là, je l'adore. Eh, al muslimoun, yani ba'idoun. Et il ne faut pas croire, hein. Tout ça, c'est tous ces lu'ab, tous ces jeux, ou ces diverses. Ces choses, comment on appelle les divertissements, ouais. Divertissements, loisirs. Tout ça, c'est pour endormir leurs activités à eux. Et qu'au fin, ils ont des activités, derrière tout ce qu'ils montrent à la télévision, ils endorment énormément de gens, des milliards et des milliards de personnes. Comment ils gèrent le monde, ils veulent gérer le monde, ils veulent contrôler ceci et cela. Ils gèrent comme ça en endormant les gens. Mais ils sont tombés sur une communauté que depuis la venue du prophète, ils n'arrivent pas à endormir. Wa haula al-muslimun. Illa fi asrina al-qarib bada'u bin-nat wal-dush wa ghayr dhalik. Ils ont latamu al-kathir min al-muslimin. Ils ont endormi beaucoup, beaucoup de gens ces dernières époques, ces derniers temps. Ou elle là, comme m'a montré un des frères qui assiste au cours, une parole d'un ministre, ministre des Affaires étrangères, français, qui parle à l'époque, à la fin de la guerre d'Algérie, ou à l'époque, en 1956. Et il met en garde sur le fait de laisser les musulmans apprendre leur religion. Il met en garde. Il dit bien clairement, comme quoi si on les laisse apprendre leur religion, yani, en gros, ils vont avoir le dessus sur le monde occidental. Et ils risquent de dépasser le monde occidental de yani, bilmarra. Donc il ne faut pas leur laisser l'opportunité de revenir vers leur religion. Naam. Ça, c'est en 1956. Pour nous, on pense qu'à vivre à droite, à gauche, on ramène un peu à manger à la femme et khalas, on a fait quelque chose. Haola mayanamun. Ça, c'est des gens qui ne dorment pas. Leylan wa nahar yukhattitun ala l'islam. Jour et nuit, ils manigance contre les gens de l'islam. Non. فالإنسان عليه أن يثبت على دينه فهو أعز ما يملك. La personne elle se doit de s'accrocher à sa religion parce que c'est la chose la plus importante qu'elle détient. يعني الله سبحانه وتعالى يتكفل بمن يثبت. Allah subhanahu wa ta'ala il est garant, c'est lui qui s'occupe de celui qui sera permis dans cette religion. Na'am. Lakin celui qui laisse cette religion ou qui yaqbal ala daya fala yalumma illa nafs. Il ne se plaindra que de lui-même. Ou une mada, il ne trouvera à se plaindre que de lui-même. Na'am. Wa fi hada al-inaya bil qulub. Et on voit aussi en cela qu'on doit faire attention à nos cœurs. Ça va très vite. Hein. La mahabba pour une chose, surtout que nous, on a grandi dans un environnement mufsid, néfaste. On a grandi dans un environnement qui est perverti à ça. On a grandi dans la musique, on a grandi dans le foot, on a grandi dans les chansons divers. La religion durable gagne plus de terrain maintenant que avant. Naam. Naam. Wa makaru wa makar Allah. Wallahu khayrul makirin. Allah subhanahu wa ta'ala il nous a informé que cette religion elle va revenir forte, elle va revenir qawiyya. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bada al-islam ghariban fa sayaudu ghariban kama bada touba lil ghuraba. Cette religion, elle a débuté étrange, elle va redevenir étrange. Comme, yani, Touba lil ghuraba. Et Touba, c'est un arbre au paradis pour ceux qui seront considérés comme étrangers. Au fi'lan, lama ta'ati tankar ala nas swa. Quand tu viens, tu réfutes aux gens le fait de prendre des vidéos ou des images. Manant, anta gharib, anta ba'id, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ils te prennent pour un étranger, ils disent, mais c'est quoi, ça c'est une religion jadide. Ma'anna, fil le Coran, fil le Sunna, min zaman qadi. C'est juste le fait de prendre une photo. Ouais, juste le fait de prendre une photo, là. C'est un exemple, yani. C'est un exemple parmi tant d'autres. Tu vas dire à quelqu'un, lève ton pantalon, laisse pas ton pantalon descendre en bas de la fille. Il va dire, hey, hala, fil le zaman qadi, ma. Quoique, maintenant, c'est devenu la mode. De le lever. Ouais. Alhamdulillah. Avec des jeans, des jeans. Ouais. Alors, voilà, si après tu t'encarres à l'aise, le pantalon. Mais il y a toujours des solutions à pervertir les femmes. Bilashak. Lakin, alayna sabat. On doit vraiment s'accrocher. Et plus tu vas t'accrocher, plus tu vas avoir des preuves. Mais ces épreuves-là, il ne faut pas que tu te dises que c'est un hawa. C'est une humiliation. Non, au contraire, ces épreuves-là, elles te raffermissent et elles te montrent que tu es sur un haq. Iwa Rabbi al-Ka'ba. Al-Rafida. Wa al-Dawla. Wa Amerika. France. Wa jami' al-Dawla. Mujtami'in ala Qarya. Ils étaient tous regroupés, tous ces pays sont regroupés sur un petit village, ce qui ne fait même pas un kilomètre murabba. Ils sont regroupés pourquoi ? Non, هذا المكان يعني ضرر على العالم. Ils ont compris que cet endroit qui ne fait même pas un kilomètre carré, c'est un problème pour le monde. Parce qu'il y a des gens qui vont prêcher. Il y a des gens qui vont appeler à un islam authentique. Non. À l'époque de Ali Abdallah Saleh, ils ont envoyé un message à Shariha. Comment ça se fait que vous appelez les gens à l'islam al-Atiq, l'ancien islam. L'ancien islam. Naam. Fannas, à la moustawa, d'ouel, à la fois, n'a dit da'wat Allah, azza wa jal. Da'wat al-lati ja'a biha, al-Nabiyu, alayhi salatu wa sallam. Qala Allah, qala Rasulullah. Ma nakhruj an hada al عن هذا الكلام قال الله قال رسول نعم فالناس إذا تمسكوا بهذه الدعوة المباركة نجوا كم لما مالك إلى بلابس الجزير يعني السنة As-Sunnah Nadia. Ou As-Sunnah ka Kastafina. Safina Tnuh. As-Sunnah c'est comme le l'arche de Noé. Man rakibaha Nadia. Celui qui rentre à son âme, qui rentre à l'intérieur, il est certes sauvé. Waman tarakaha halak. Et celui qui ne l'emprunte pas, ou qui ne monte pas à son bord, c'est certes égaré. Ou noyé. Gharak. Naam. Noyé. Naam. Al-Muhim. Qala, ba'd dhalik, faman lam yukaffir al-mushrikin min dawlat Turkiya wa ibad al-qubur ka ahli Makkah wa ghayrihim mimman abada as-salihin wa adala min 'an tawhid Allah ila ash-shirk وبدل السنة وبدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبدع فهو كافر مثلهم وإن كان يكره دينهم ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين هذا مم لا تخسر مم سي ألم الإسلام مم سي ألم للمسلمين مم سي الديتست للكفار Mais elle ne les rend pas mécréants. Du fait qu'elle ne les rend pas mécréants, alors ces personnes-là ne seront jamais considérées comme des musulmans. Vous voyez la grandeur de ce... Quand tu dis qu'elle ne les rend pas mécréants, ça veut dire la vie de la vie. Elle dit, haoula, obridohum, lakin leysu min ahlina. On ne peut pas dire que ça fait partie, les chrétiens les diront en enfer, maintenant. Alors là, haoula, din Allah, ils sont dans la religion d'Allah, il y a plusieurs religions. Voilà. Il y en a d'accord. Pour un musulman qui ne prie pas. Pour un musulman qui ne prie pas. Parce que là, tu dis, oui, il y a des chrétiens. Non. Fahada, comme vous, yani, là, ce naqid-là, il est à prendre et à comprendre que dans les choses qui sont évidentes. Les choses où il n'y a pas de divergence entre les savants. Mais celles où il y a des divergences entre les savants, fahada fala. Par exemple, comme tu as dit, faruk salah. Il y en a, ils ont dit, celui qui laisse la prière d'une manière négligente, avec paresse, alors celui-là, il mécroit. Celui qui est de cet avis, il dit, dan fulan kafir. Toi, tu viens, tu dis, moi, je vois pas que c'est un mécréant. Lui, il n'a pas le droit de dire, comme toi, tu vois pas que c'est un mécréant, toi aussi, tu es un cave. Ça marche pas sur dans cette image-là. Pourquoi? Parce que c'est une masala khilafiyya, cela. Et là, on parle des masaïl qui sont djaliyya, qui sont clairs. Le fait de dire que les juifs sont dans un égarement, ça, c'est clair. Les juifs sont mécréants, ça c'est clair. Mais il y en a après, il n'est pas spécifique aux gens qui font du shirk. Le marqué de l'islam, il est spécifique aux gens qui font du shirk. Celui-là, on a évoqué. Comment ça, il est spécifique aux gens qui font du shirk? Je ne sais pas comment. Non, j'ai dit, je vais demander. C'est quoi la description exacte du marqué? Il n'a pas dit toute personne qui ne voit pas que. Un polythéiste, voilà. Un polythéiste. Ou qui doute. Un polythéiste, c'est un moujik, un associateur. Un associateur. Ouais. Mais là, c'est spécifique aux associateurs. Non. C'est pas que spécifique aux associateurs. Même quelqu'un qui vient et dit, je suis Allah. Alors, tu peux considérer ça du shirk, mais le zahir, c'est que c'est du kufr. C'est du kufr. Là, il n'a pas associé ou quoi. Ou peut-être on va dire qu'il s'est associé à Allah, mais lui il ne reconnaît même pas Allah. Alors, il vient et dit directement, c'est moi votre divinité. Ça c'est du kufr. En fait, le mot kufr et shirk, quand ils sont évoqués séparément, ils ont le même sens. Mais quand ils sont évoqués l'un à côté de l'autre, alors chacun il prend un sens particulier. Comme l'iman ou l'islam. Non. Ça veut dire une personne qui vient, qui prie régulièrement, c'est ça, mais il côtoie que des kafirs. c'est normal pour lui de les côtoyer. C'est ses amis. Non, oui. طيب بس الآن هناك فرق بين أن تكفرهم عرف sur le fait que tu dises que c'est des mécréants. Toi tu vas les fréquenter. Cette fréquentation elle va te faire du tort et elle peut atteindre le degré du péché. Si toutefois elle te fait du tort dans ta religion, laquelle ça va pas atteindre le degré de la mécréance parce que tu as fréquenté des mécréants. Non, en fait là le fait que tu vas les fréquenter, si c'est pour un quelconque bien de cette dunya, la haraj. Il n'y a pas de problème du moment que ça ne fait pas de tort dans ta religion. Et du moment que ma'a salama fil qalb. Comme on a vu dans la mouala, je ne sais pas si vous vous rappelez, les conditions qui font que tu peux... Oui, mais justement là, c'est pas il est kotob en barbe. Il est kotob parce qu'il les aime bien. Parce qu'il les aime bien. Chouf. Hada khatar. Ça c'est une khatar. Le fait de côtoyer les kuffars, parce que tu les aimes bien. Hada, c'est une khatar. On va peut-être pas dire que c'est du kuffar, si toutefois tu sais que c'est des mécréants. Et tu sais que leur voix est égarée, mais tu les aimes bien. Ça, c'est une chose khatira. Comme tu vas voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, surtout en terre d'islam. Yaqulun al-kuffar tayyibun. Tayyibun. Ils sont cons, ils sont bien. Quand ils nous accueillent, par exemple, ils accueillent des réfugiés, ils les traitent bien. Par exemple, j'ai rencontré des réfugiés syriens. Ils préféraient aller en Syrie, préféraient aller en France que d'aller ou de rester en Arabie Saoudite, مثلا. ولما تنصحهم تقول لهم ايه هذا دولة التوحيد فيها شريعة تقام وفيها خير وفيها الحرمين وفيها. Lui dit non, eux ils ne traitent pas bien, ils les traitent comme des esclaves. En France, on va nous traiter bien. On va nous donner un appartement, on va nous donner des droits, on va nous donner cela. Allez, roulour. Ça, c'est des tromperies. Parce que les kuffars, ils sont spécialistes. C'est le roulour, ils sont spécialistes. Celui qui veut chercher l'histoire des pays à travers le monde, il s'arrête, il prend tous les livres d'histoire écrits par des mécréants, vous allez voir le nombre de mensonges. Le nombre de mensonges et le nombre de vérités qu'ils ont cachées. Ils sont spécialistes. Na'am. Lakin haula lan yarda anka al-yahoud wa al-nasara hatta tattabi'a millatahum. Ils ne vous agréeront jamais jusqu'à ce que vous suiviez leur religion. Hada kalam man? Kalam Allah azza wa jalla. Man khalaqahum? Allah. Il sait très bien qui il a créé, de quoi il les a créés. C'est-à-dire, لما يخبرنا بهذا في القرآن فعلينا أن نتيقن. نعم. ربما أطلنا شيئا ما فنقف له هنا. طيب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. Et du coup, dans les conditions de la LMUNA, on faut du maillot à faire de l'UNA, il y en a un dernier. Parce qu'en premier, d'accord.